chaque pas trouant la nuit, je crois te reconnaître. Est-ce penché à ma fenêtre que je devrais passer ma vie? Viens, je vieillis deux fois plus vite depuis que tu même la nuit, tu trouveras ton couvert sur la table. Rien qu'à ta vue, le grain de sable.